à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Goodbye Kevin, la 320e émission. Au programme cette semaine, on va commencer avec de la douceur pour monter petit à petit dans l'énervement. On va commencer avec Harold Budd et Brian Eno, avec l'album, un album qui s'appelle The Pearl. On va être sur une thématique plutôt ambiante. Et on écoute le morceau Stream with the Breakfish. Continue avec Clark et son dernier album sorti sur son propre label Steep Steams, qui nous fait une musique électronique introspective, plutôt ambiante. Et on écoute le morceau No Pity You. Thank you. Expérimental avec Hot Spring et son projet Apodelia sorti chez Mood Hunt. c'est de la douceur pour cette début d'émission. On continue aussi avec Alex Kazian et son EP qui vient de sortir, qui est sorti l'année dernière, Body Singer. Pareil, entre ambiante électro et crot rock. On écoute le morceau Skinship. Continue avec SML, un quintet de jazz de Los Angeles qui aime bien jouer avec la musique électronique et les expérimentations, notamment dans leur dernier album Oh You Been, qu'on écoute tout de suite, et on écoute le morceau Chicago 3. continue avec James Kay, qui est assez connu, la new-yorkaise, notamment avec son album Friends, qui a bien cartonné. Et là, on est plus sur une dream pop, pop expérimentale, qui frôle même avec le trip-hop. Continuer sur de la dream pop, une dream pop vaporeuse avec Car Culture et son album Rest Here qui était sorti l'année dernière sur le label montréalais NAF Recording. Gros coup de cœur pour moi, notamment ce morceau Nothing Burger. I want to hold you in my arms. Et c'est là où l'émission commence à perdre son sens, ou en tout cas à partir dans tous les sens. On part avec un chanteur folk des années 60-70, Hoover, avec ce sublime morceau Absolute Zero. Et après, ça partit encore plus dans tous les sens. Once I was born, it was back when I was very young. It seems to me it was the year before I first turned one. And there's something freezing at my heels that I don't care to know. It may be that I'm reaching absolute zero. All the way from home. Said I felt a little vacant, just like standing all alone. I sang a song that wasn't hardly long. By the time the tune was done, a whole crowd had up and gone. And there's something freezing at my heels that I don't care to know. And it may be that I'm reaching absolute zero. Continue avec Moyne, un trio de Londres porté notamment par la percussionniste Valentina Magaliti qu'on retrouve dans un grand nombre de projets comme Vanishing Twin, Tomaga. Et là on écoute un extrait de l'album You Never End et le morceau It's a Messy Coping. We'll be right back. êtes toujours sur Radio Campus Lille et vous êtes dans l'émission Goodbye Kevin. Et on continue avec Idols et le morceau Dancer, où ils sont accompagnés des LCD Sound System, issus de leur album Tongues. Avec un duo russo-breton, c'est ça qui est marrant. UVB76, un duo qui fait de la musique électronique, et on écoute un album, leur premier album qui était sorti en 2019, San, et qui est un morceau qui a été enregistré avec de la captation sonore dans les mégalopoles chinoises, et une ambiance qui rappelle un peu le film Sirat. Donc nous on écoute le morceau Kyanku tout de UVB76. We'll be right back. On continue avec DJ Beluga 92, qui est un duo derrière ce projet qui touche un peu toute l'éventail de la musique électronique, rêve, club, expérimentation. Et là, on écoute le morceau Forgotten Terror, très techno house. Thank you. Et on continue avec LFT. On va écouter un extrait de son EP sorti en 2020. Je pense que je vous avais déjà passé cet artiste. On va écouter Blood in the Grace. Et le morceau, c'est Dial Guide Machine. Et il y a un côté dark wave, cold wave et carrément électro. J'aime beaucoup, beaucoup cet artiste. Suppress. LFT et dernier morceau pour conclure cette émission, ça va être Bumzat, album produit par Brux, une artiste australienne accompagnée avec Phaser Ray. Excellent aussi pour se dandiner quoi. Voilà, c'est la fin de l'émission. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne après-midi sur Radio Campus Lille avec le Festin Nu juste après. Nous, on se dit à la semaine prochaine. C'était Goodbye Kevin avec Pierrot. Ciao.